corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. El Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Gemozo. On se retrouve un mercredi sur deux dans notre émission Boomerang. 90 minutes pour Boomerang avec une équipe un petit peu différente, un peu plus nombreux autour de la table aujourd'hui, avec l'amie Félicie présente. Bonjour à toutes et à tous. Dominique. Bonjour, bonjour, c'est Dominique. Et puis du côté des hommes, chacun de son côté, hein. Il n'y a pas les images, mais je peux vous garantir. On est pour majorité, Dominique. Hein. Segundino. Bonjour également à tout le monde. Et il y a l'ami Mika qui nous a rejoint. Mika, que vous connaissez bien sur les ondes de Radio Gemozo. Messieurs, dames, bonjour. Salut à toi. Et puis l'ami Pascal, ouais, à la technique et à l'animation. Et oui, chers auditeurs, bonjour. Et Jean-Baptiste. Merci à vous. Voilà. Allez, on ouvre le bal. Un coucou à Magali. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, alors il faudrait qu'elle nous revienne, Magali. Hein. Elle nous manque. On pense bien à elle. Allez, on lui envoie des ondes positives à travers les ondes de RGM. Ouais. Elle n'est pas loin. Okay. Eh bien, on va ouvrir le bal de cette émission, la première partie avec Félicie. Félicie, oui. On va parler d'un sujet qui est d'actualité, puisqu'on fête le centenaire en ce moment, dans la période de l'armistice qui aura lieu le 11 novembre, le centenaire de la Grande Guerre, 14-18. Oui, alors moi je vais vous parler d'un livre, parce qu'en ce moment on est bombardé d'émissions, de reportages à la télévision. Alors un livre qui s'appelle « Paroles de poilu, voilà. Lettres et carnets du front, 14-18 oui. ». Oui, parce qu'à la télé on est un peu noyé sous les reportages, on ne sait plus très bien. Ça déforme un peu peut-être la réalité, ce qui s'est passé, alors que dans ce livre c'est vraiment des lettres, que ça s'appelle Paroles de poilu, lettres et carnets du front 1914-1918. Donc c'était des soldats qui étaient au front qui ont écrit, donc il n'y a rien de plus véridique, et il y a tout ce qui est vécu, quoi, tout le vécu, tous les sentiments, toute l'horreur qu'ils décrivent sur du papier. Donc bon, c'est vrai qu'à la télévision, on les voit se faire tuer et tout, mais la souffrance dans ce livre, elle est montrée autrement. Alors, on va faire une première précision avant que tu rentres plus dans le vif du sujet. Il faut déjà savoir que cette guerre-là était une guerre de tranchées. Oui. À la différence de la Deuxième Guerre mondiale, oui. 35 ans plus tard. C'est une guerre de tranchées qui a fait quand même des millions de morts, hein, et qui s'est déroulée, donc est partie évidemment de l'assassinat. Alors c'est François Ferdinand, Dominique, oui. On en parlait hors antenne, à Sarajevo, oui. Voilà. Hein, puisque tout est parti de cet événement qui a déclenché, voilà, donc de l'Empire austro-hongrois. Et puis à partir de là, ensuite ça s'est répandu progressivement par l'Est. Ça a été Guillaume II aussi, je crois, non, qui a fait la guerre. Oui, après, il y a eu un embrasement ensuite, comme toute guerre mondiale. Pascal ? C'est ça, en fait, c'est Guillaume II qui a été assassiné, et c'est ça qui a lancé le début de la guerre mondiale, C'est Ferdinand François. Ah oui, autant pour Ferdinand moi. François, je ne sais plus le nom. C'est quel François sens. Ferdinand. François Ferdinand, hein, voilà. Ouais. Donc, et ensuite, ça s'est embrasé. Donc, faut savoir ce que je disais, c'était une guerre de tranchées essentiellement. Donc, était évidemment il y a 100 ans au niveau des techniques d'armement plus rudimentaires que les guerres qui ont hélas succédé, parce qu'il y avait moins l'aviation présente. Mm-hmm. C'était les balbutiements, mais il y avait surtout tout ce qui est canon, artillerie. Et puis tu nous ouvres donc le secret de ce livre-là pour nous parler. Alors, ça traite d'un aspect général ou ça traite plutôt de récits bien spécifiques au quotidien de cette guerre par les soldats. Il y a les deux. Il y a des lettres qui sont écrites à des fiancés qui racontent effectivement ce qui se passe réellement, l'horreur. Il y a des choses aussi plus, comme tu disais... il y a des réflexions aussi sur le patriotisme. Des réflexions sur qu'est-ce que je fais là, Oui, mais toujours fait par des soldats. Oui, parce que est-ce qu'ils étaient en capacité, dans les situations dans lesquelles ils se trouvaient, qui sont des situations de guerre où on est menacé de mort Oui, ce sont tous. Est-ce qu'ils avaient la possibilité de d'avoir une réflexion, d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est, en fait, c'est les. Parce que c'est un travail qui a été fait après coup de survivants. Non, non, c'est vraiment des lettres qui ont été écrites au front et qui ont été envoyées. Et le livre se compose en plusieurs chapitres. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été et le deuxième automne. Et ben, peut-être faudrait que je vous lise les 4 années Dominique. De guerre. Ces ans correspondent aux 4 années de guerre. Oui, oui, là, il y a les hivers, il y a les printemps, les étés, les automnes et les hivers. Et le dernier. Tu pourrais peut-être nous lire un ou deux extraits choisis pour qu'on puisse se rendre compte. Oui, effectivement. Des petits extraits, parce que je vois qu'il y a des extraits plus grands. Je vais y aller sur mon. Mais en attendant que tu cherches, Félicie, je propose de faire un premier tour de table par rapport à ce sujet qu'on aborde en plein dans cette période de commémoration du centenaire. Peut-être un premier tour, Dominique, Mika, qui veut prendre la parole, Segundino? Moi, j'étais surpris, j'ai entendu dire que les autres soldats alsaciens avaient pris le costume de guerre allemand, étaient du côté des Allemands. Mmh. Et je crois que c'est Mitterrand ou De Gaulle, je ne sais plus, qui a donné la Légion d'honneur à tous les combattants français, sauf aux Alsaciens, parce qu'ils se sont battus officiellement à côté des Allemands. Mais il y en a quand même qui troquaient, qui enlevaient leur... qui changeaient de camp. Mmh. Ça, j'avais vu, je ne sais plus, Parce qu'on n'est pas dans la même époque, si tu parles de De Gaulle ou Mitterrand. Pascal, peut-être une réaction. On n'est pas dans la même époque, mais. Non, mais tu sais plus si c'est De Gaulle ou Mitterrand. Il y en a un qui avait. Donc moi, j'ai pas l'info. Qui avait dit la Légion d'honneur à tous les combattants. Donc, peut-être, Pascal, tu voulais peut-être réagir par rapport à ces Guignolino. Non, en fait, oui, je vais réagir parce qu'en fait, là, il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on est sur la Première Guerre mondiale. Je te parle de la Première Guerre, moi. Et la Première Guerre mondiale. Oui, on est sur la Première, de toute façon. La Première Guerre mondiale, les Alsaciens et les Mosellans faisaient partie de l'Allemagne. Ils étaient Allemands. En fait, les Français sont partis en guerre pour récupérer l'Alsace et la Moselle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on pensait que les Allemands allaient nous attaquer par la ligne Maginot. Ouais. Et en fait, ils ont fait le tour par la Belgique et ils sont arrivés pratiquement... Par les Ardennes. Par les Ardennes, avec Sedan, qui était la ville de garnison où il y avait tout le rassemblement. Donc, on connaît beaucoup la bataille de Verdun, mais la bataille de Verdun, en fait, les Allemands avaient prévu... C'est 1916. Oui. Les Allemands avaient prévu qu'ils n'ont pas mis beaucoup de troupes, justement, à la bataille de Verdun pour... C'était le plan Schlissen pour qu'ils passent par... Voilà, c'est ça. Il y avait toute cette ramification qui a convergé vers Sedan, Bar-le-Duc aussi, et puis ensuite, il y a eu plus tard la bataille de Verdun. Ils sont presque arrivés jusque Paris, d'ailleurs. Il a fallu les taxis de la Marne et tout ça qu'on connaît. Mais c'est vrai que la bataille de Verdun, puisque tu l'évoques, elle est un peu, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, le fleuron, enfin le repère... au milieu du conflit en fait mondial, 1916, c'est finalement là-dessus qu'on a une référence quand on pense à la Première Guerre mondiale, dans l'imaginaire collectif historique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est le début des guerres modernes, avec les chars d'assaut, avec... Oui. Une artillerie déjà beaucoup plus conséquente et évoluée. D'ailleurs, on a inventé les chars d'assaut justement pour pousser les... Puisqu'on était coincé dans les tranchées, avec les chars d'assaut, ils essayaient de pousser, d'aller plus loin dans les tranchées, de passer les tranchées pour avancer et prendre du terrain. Pour gagner du terrain. Ouais. Ils avaient aussi l'aviation aussi. L'aviation, oui, mais c'était les balbutiements. C'était les balbutiements. C'était plus à la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait déjà plus d'aviation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands étaient beaucoup plus proches, beaucoup plus préparés que nous. Au niveau aviation, les avions allemands étaient bien meilleurs. Ouais. Les chars d'assaut allemands étaient bien meilleurs. Et d'ailleurs, il y a l'histoire du Baron Rouge et les pilotes, les As, en fait, que tout le monde connaît. Oui. Alors, tu nous as choisi, Félicie, déjà, tu as pu trouver, alors on t'écoute. Je choisis juste le début, je ne vais pas vous lire grand-chose, mais ça montre bien. Cher frangin, c'est-à-dire qu'ils étaient frères tous, frères d'armes. Il y a un film qui est sorti, Frères d'armes, je crois. Je prends la plume à la main pour continuer mon petit récit. Donc, ils écrivaient quand même, ils récitaient ce qui se passait. Ce ne sera guère long. Je m'étais arrêtée, si je ne me trompe, au moment où l'on partait pour l'assaut. La baïonnette au canon, on s'élance hors des tranchées. Le capitaine en tête, nous faisons un bond de 30 à 50 mètres et nous voilà couchés dans la tranchée qu'occupaient nos camarades de première ligne. Les balles avaient bien sifflé, mais personne n'avait été touché. La rage de tuer est poussée par l'odeur de la poudre aussi bien que par les cris des bêtes féroces, car à ce moment-là, on devient des bêtes féroces. Ouais. Pensant qu'à tuer et massacrer, nous nous élançons tout comme un seul homme. Victor est à mes côtés, mais bientôt dans cette course folle, je ne le vois plus. Les camarades tombent, presque tous blessés. Ce sont alors des cris de douleur. D'un côté, on entend « ma femme, mes enfants ». De l'autre, « ma mère, achevez-moi, ne me faites plus souffrir ». Tout ceci te déchire le cœur, le sang coule à flot, mais nous avançons quand même, marchant sur les morts. Les Turcs sont couchés par centaines, parce qu'il y a eu un appui de la Turquie à un moment. Notre 75, je pense qu'il parle de son régiment, notre 75, aussi bien que les pièces de marine, ont fait du bon travail. Ils sont déjà tous gonflés. Alors, ça, c'est une lettre de Jean Ambrosini. Jacques Ambrosini était originaire de Spelmoncato, en Haute-Corse. Fils d'agriculteur engagé dans les Dardanelles contre les Turcs à l'âge de 19 ans, il finira la guerre comme lieutenant et ses lettres écrites à son frère, mon cher frangin, François, décrivent l'horreur quotidienne du front. Et ça, cette lettre, elle imagine, elle représente un peu tout le livre. C'est-à-dire, il écrira à son frère François l'horreur quotidienne du front. Dans ce livre, il y a tout ça, l'horreur quotidienne du front, mais sur plusieurs thèmes. Il y a la solitude du manque de femmes, leurs fiancés laissés au pays. Ça fait penser ce que tu dis à ces fameuses cartes postales qui ont émergé avec ces images un peu allégoriques de soldats, de poilus qui pensent à leurs femmes à distance. Il y a une série de cartes postales comme ça anciennes qui a été faite avec des images qui sont un peu en version colorisée ou en noir et blanc. C'était vendu Non, mais il y a des collectionneurs pour ce type d'images-là. Oui, des images qui sont un petit peu qui sont liées justement à toute cette partie de manque. Parce qu'il faut quand même savoir que les jeunes soldats, ils avaient une moyenne d'âge de 17-18 ans. Très jeune. Quand on voit les dates de naissance et les dates de décès, ne serait-ce qu'à l'ossuaire de Douaumont à Verdun, moi je me souviens quand j'ai visité ça, j'avais 25 ans. J'étais à peine plus âgé qu'eux. J'ai été terriblement marqué par le jeune âge de toutes ces victimes-là. Oui, je ne m'en rendais pas compte. Pourtant, on apprenait ça à l'école. Mais quand on voit toutes ces ex-votos, avec toutes les dates qui ont pu être... Enfin, les dates et puis les noms qui ont pu être répertoriés, ce qui se compte par milliers, c'est très, très, très pesant de voir le jeune âge. Il ne dépassait pas 20 ans, quoi, tout ça, malheureusement. Hein. Et ils étaient obligés d'y aller. On ne demandait pas leur avis, ils étaient appelés. Et c'était terrible pour les familles. C'était de la chair à canon. C'était des héros, mais c'était de la chair à canon. La chair à canon, ouais, parce qu'il fallait savoir qu'il y avait aussi le typhus, la diphtérie, les rats, les poux. Le froid, ils buvaient beaucoup de rhum pour se donner du courage, pour aller s'exposer sur le front. Voilà, exactement. Il y a une exposition à la médiathèque au Thio. En fait, j'ai vu un habit de poilu. Et j'ai un peu osé le toucher parce qu'on m'a permis de le toucher. C'était d'époque, authentique. C'est comme nos pulls maintenant, quoi. C'est pas plus chaud, Il devait un peu gris bleu, couleur un peu gris bleu comme ça. À l'époque, ils avaient une santé quand même. Ils étaient jeunes. Santé, même quand tu vivais à la ferme, tout ça. Mais nous, on tient pas le coup. On se met au lit pendant deux jours pour une grippe. On n'est pas dans le même contexte non plus, la même époque. C'est un luxe qui n'a rien à voir. Ça conditionnait nos gènes et tout ça. Ouais. C'est pas la même époque non plus. Il y avait une idée du patriotisme qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Pascal ? Tout à fait. En fait, les Français étaient extrêmement patriotiques. Très motivés. Et au début, ils y allaient. D'ailleurs, au début, c'était un peu comme les guerres napoléoniennes. On fonçait dans le tas. Et c'est après, ils se sont rendus compte que c'était pas si marrant qu'ils ne pensaient. Et c'est là qu'ils ont commencé à déserter. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire des plateaux d'exécution. Il y a eu des déserteurs, ça se comprend. Enfin, on peut... Parce qu'il n'y a même pas à juger. Il pensait vraiment avoir le dessus sur les Allemands. Ils étaient certains qu'ils étaient plus forts que les Allemands. Complètement. Mais les Allemands avaient tellement préparé les choses. Mmh. D'ailleurs, rien qu'au niveau de la tenue militaire, les Français étaient en bleu et rouge, les Allemands étaient en vert de gris. Et d'ailleurs, les Français, ils disaient que les Allemands étaient des lâches parce qu'on ne pouvait pas les distinguer dans les sous-bois. C'est vrai. Je pense à un livre que j'ai lu il y a quelques années, c'est Le pantalon d'Alain Skoff. C'est sur un poilu de 14 à qui on refuse un nouveau pantalon. Et il est obligé de porter les pantalons de ses frères d'armes, de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts et puis il se rebelle contre l'autorité militaire et voilà. Ouais. Mika. Tant qu'on est dans les références, il y a le film sorti l'an passé avec Dupontel, Au revoir là-haut, qui est magnifique, que je vous conseille. C'est vrai. Sur ce thème-là. Oui. C'est vrai qu'il y a une foultitude, le cinéma, évidemment. Un dimanche de fiançailles aussi, du Genet, avec Audrey Tautou. Audrey Tautou, et il y en a plein, il y a Cheval de guerre. Mais de toute façon, les guerres, les temps de guerre inspirent le cinéma depuis toujours. Effectivement, la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup, beaucoup de productions de fêtes, et même de téléfilms aussi pour la télévision. D'ailleurs, là, il y a plein de choses qui passent en ce moment, si vous êtes un peu attentif. Et ils repassent des films comme ça, justement, c'est au programme. C'est pour ça que je vous présente un livre aujourd'hui. Parce que ça, c'est vraiment des extraits de lettres qui ont été vécues. Tout ce qui est raconté là, c'est tout du vécu. Vous avez tous autour de cette table visité le domaine de Verdun, les mémoriaux, les ossuaires Non. Oui, tout à fait. En fait, je suis né à Verdun. Et j'ai passé toute mon enfance dans les champs de bataille à ramasser des grenades et tout ce que je pouvais trouver. D'ailleurs, c'est fou ce qu'on pouvait trouver. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il faut savoir, c'est juste ce qu'il dit Pascal, qu'il y a encore énormément de reliques, des obus, des choses comme ça, qui sont encore enterrées. Hein. Ceux qui sont le plus confrontés à ça, c'est les cultivateurs. Tous les ans, quand ils labourent, ils remontent des kilos et des kilos de vues qui sont toujours qui sont sous terre, donc ils sont protégés, ils sont pas complètement rouillés. Non, mais c'est vrai. Et donc, il y a les emplacements où ils vont déposer les obus, et puis il y a les artificiers qui viennent pour tout exploser. Et tu vois encore dans certaines zones forestières ou même des plaines, par là-bas, tu vois encore les cratères. Ah, bien sûr. Tu vois encore les éventrations, les reliefs du sol qui sont encore éventrés d'obus 100 ans plus tard. Quand tu vas dans la forêt, c'est un champ de trous et de vaches. Les tunnels. Oui, alors après, il y a effectivement, Signonino, les tunnels, tout ça, et puis les souterrains, les blocos aussi. On peut en visiter d'ailleurs. C'est très lugubre, les blocos. C'est oppressant, il faut le savoir quand même. La voie sacrée. La voie sacrée avec les fameuses bornes. Oui. Ça m'a Par le duc Verdun. En fait, la voie sacrée, c'est la route où venaient les taxis de la Marne pour amener la deuxième vague de militaires français pour arrêter les Allemands. Ils ont gardé les bornes sont devenues. Il y a un casque sur la borne. Des monuments historique avec un casque dessus qui coiffe. Alors, moi, je n'ai pas pour habitude de parler de ma vie personnelle, mais là, il se trouve que sur le sujet, ça m'inspire parce que moi, j'ai eu la chance, dans mon enfance, par mes parents, de connaître un poilu. Qui était âgé, évidemment. C'était dans les années 70-80. Moi, j'avais 10, 12, 15 ans. Ce monsieur-là était né en 1889. Donc, il était né 100 ans après la Révolution. C'était des parents de collègues à mes parents, avec qui ils avaient sympathisé, ils étaient devenus amis, donc c'était pas de la même génération de mes parents, évidemment. Et on allait les voir une fois par mois dans un village qui s'appelait Boffsheim, qui s'appelle toujours Boffsheim, en région strasbourgeoise. Ouais. Et ce monsieur-là avait donc été poilu, et donc il avait déjà à l'époque 80 ans. Quand il nous faisait ses récits, je le vois encore, les larmes aux yeux, parler, comme tu disais dans l'extrait, ses potes, quoi, ses potes de tranchée. Et lui, il a été enterré par un obus, enterré vivant par un obus. Et toute sa vie durant, il dormait, été comme hiver, la fenêtre ouverte. Oui. Chez lui. Ah oui. Donc l'hiver en Alsace, vous imaginez les températures, mais il dormait la fenêtre ouverte parce qu'il était claustro. Oui. Et il avait encore des émotions 80 ans plus tard. Il n'a jamais. Moi, ce que j'ai admiré chez cet homme-là, c'est le plus beau souvenir que j'ai de ses récits. Il n'a jamais voulu être récompensé, il n'a jamais voulu de médaille, quoi que ce soit. Justement, on parlait de ce côté patriotique et il avait cet esprit-là, il l'avait gardé. Comme mon papy. Pour lui, c'était pas de l'héroïsme. Non. C'était simplement servir son pays. Oui. C'était comme ça. Il avait été formaté comme ça et il a vécu les atrocités que tu narrais là. là dans ton récit. Mon papy était poilu aussi, il est revenu mutilé avec une jambe en moins, c'est pour ça qu'il a pas fait le... Tu l'as entendu aussi te raconter, t'as des souvenirs non, parce de que récit. Il me racontait pas pour deux raisons. Parce que j'étais trop petite, j'avais 3-4 ans quand j'avais 4 ans quand il est décédé, mais il y avait une autre raison, c'est que quand je suis née, il était tellement heureux. Il s'est dit allez hop, la guerre c'est terminé quoi. C'est derrière moi. Il allait boire des bières. Un peu comme Monsieur Daburon, le monsieur que j'ai connu, qui s'appelait Monsieur Étienne Daburon, hein, tout à fait. Il y a un moment, il y a la résilience qui se fait. C'est dommage, ça vient tard. Et il est mort à 96 ans. Monsieur que j'ai connu, il est mort en 1986, donc il a survécu 70 ans. 70 ans, oui. Il a fait sa vie, il a eu ses enfants, il s'est marié, voilà. Après, il a survécu. Oui. Mais il a fait partie de ces survivants. Parce qu'il y en a plus maintenant. Là. Maintenant, il y en a qui survivaient physiquement, mais dans leur tête, ils n'étaient plus là. Quoi. Ils ne survivaient pas psychologiquement. Pascal qui veut intervenir. Non, en fait, je pensais, moi aussi, j'ai connu des poilus qui ont fait la guerre, mais ils n'aimaient pas trop en parler, en fait. Non, mon papy n'aimait pas parler de ça. Facilement encore, le monsieur que j'ai connu, parce que peut-être qu'ils étaient amis, le couple était ami avec mes parents, même s'il y avait 40 ans de différence d'âge. Mais pour moi, qui était vraiment de pratiquement 3 générations plus jeune, c'était impressionnant d'entendre parler de ces choses-là. Puis il avait gardé certains souvenirs son casque, tout ça, qui était rouillé, mais qui était c'est très très, moi ça m'a marqué vraiment, et c'est pour ça que j'ai une sensibilité toute particulière à cette époque-là et à cette guerre-là, peut-être plus qu'à la deuxième. Moi je suis quand même à la seconde guerre mondiale, je suis plus intéressée par la paix de l'entre-deux-guerres. Malheureusement ça n'a pas duré, mais moi je vous conseille aussi, Mickaël nous conseillait, tu disais Dominique le pantalon d'Alain Scott. Alors justement, Mickaël, tu évoquais ce film-là, tu l'as vu, je suppose. Tu pourrais nous en parler, dire ce qui t'a vraiment inspiré, ce qui t'a touché, puisque tu nous l'évoques. Oui, je ne vais pas trop en dévoiler non plus, parce que j'espère que vous irez le voir. Ce que je peux dire, c'est ton avis à toi. Sur la thématique, ce qu'on a appelé les gueules cassées, c'est-à-dire ceux qui sont revenus vivants, mais salement amochés, notamment au niveau du visage. Du visage, Et il y a ça. Un des personnages principaux, c'est ce qui lui est arrivé, et l'après. Comment il va vivre avec ça. Avec un membre amputé, avec une moitié de mâchoire en moins, avec à l'époque aussi le niveau médical, le niveau de médecine qui n'était pas celui qu'il y a aujourd'hui. On ne reconstruisait pas aussi bien qu'aujourd'hui, chirurgie réparatrice. Mika, il y a un film que j'ai regardé il y a 2 jours. J'espère que les auditeurs l'ont regardé ou qu'ils pourront le regarder aussi. Comme toi, tu dis au revoir là-haut. C'est La chambre des sous-officiers. Ah oui, oui, oui. C'est l'histoire d'une gueule cassée. Bonne référence aussi. Et il revient de la guerre. Je l'ai vu. Il est mal, il n'est pas bien. Et il y a une infirmière, Sabine Azéma, qui lui donne confiance, qui lui dit « vous retrouverez quelqu'un », etc. Enfin, elle est comme un guide un peu, effectivement. Oui, elle arrive à le... Oui. Mais tout ce que vous dites, en fait, ça nous fait penser que tous les dommages qu'il y a eu collatéraux à travers les familles de ces soldats aussi, parce qu'il y en a qui ne sont pas revenus, il y en a eu tellement de victimes, pas pouvoir récupérer le corps aussi, c'est quelque chose de terrible, c'est une deuxième mort en fait. C'est une deuxième mort, Parce qu'on perd déjà son proche, un enfant, et ensuite on ne peut pas se recueillir. Il y avait des familles où il y avait plusieurs frères. Aussi, Oui, qui étaient. Il y a aussi Cheval de Guerre, qui est magnifique. Alors, si vous et souvent, c'était le facteur, il faut aussi savoir une chose, dans les villages, les communes de France, c'était le facteur qui était porteur des mauvaises nouvelles. Qui l'annonçait. Ça, on oublie souvent de le dire, où effectivement, le facteur a eu... les facteurs de l'époque, qui étaient en plein dans cette époque-là, qui officiaient à cette époque-là, qui donnaient le courrier, a été porteur des mauvaises nouvelles. Et ça, c'est quelque chose de terrible aussi, humainement parlant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que les chiens gardent leur territoire parce que... Enfin, qu'à l'époque, les chiens mordaient beaucoup parce que, justement, le facteur entrait et il portait des mauvaises nouvelles. Et le chien, il voyait tout le monde pleurer. Ça, je ne sais pas. Mais le facteur, ça, c'est sûr. Mais ça, je n'ai jamais entendu. Oui, Pascal ? Alors, un chien devient méchant par rapport au territoire qu'il a à garder. Plus le territoire est grand et plus le chien est méchant. Voilà pourquoi. Les chiens sont un énorme territoire, c'est des chiens qui sont stressés et qui deviennent méchants. Plus le voilà, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec l'époque, c'est parce que le territoire est très grand. Non, ça, moi, je ne sais pas. Donc, je vous laisse entièreté de vos opinions, à vérifier. C'est ce qu'on m'a dit, mais c'est peut-être pas vrai. Mais si vous voulez un film joyeux, hein, on va dire comme ça, enfin pas trop dramatique, sur 14-18, il y a Cheval de guerre. Mm-hmm. C'est l'histoire de l'amitié entre un étalon et un soldat. Qui avait l'étalon il avait acheté un étalon en Irlande, il est parti soldat et son cheval a été réquisitionné. C'est un film d'il y a 7 ou 8 ans. Ça. Oui, peut-être bien. Et en fait, le cheval mène un destin, il s'en sortira, et lui mènera son destin de l'autre côté. De son côté, oui. Et vont-ils se retrouver? Je ne vous le dis pas. Non, il faut laisser Mais c'est un beau film qui se termine bien. Et il y a aussi Joyeux Noël. C'est avec Diane Kruger, la mannequin. Guillaume Canet et Danny Boone. Ouais, c'est là où j'ai découvert le talent de Guillaume Canet dans ce film-là. C'est dans le c'est bête, hein, mais parce qu'il a déjà une très longue carrière, Guillaume Canet. On sait en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur. Et oui. C'est vrai que c'est dans ce film-là que moi je me suis vraiment rendu compte. Joyeux Noël, c'est là où elle descend dans la tranchée pour la trêve pour de Noël. Au moment c'est la trêve de Noël, voilà. Les Allemands et les Français se retrouvent. Ouais, vas-y, Michael. Ouais. Ben, au moment où ils décident de faire trêve pour fêter Noël ensemble. Mais au-delà de tout ce qu'on dit, moi de temps en temps, je pense à cette situation improbable de se trouver face à quelqu'un et de devoir. Une victime comme soi est de devoir le tuer pour garder la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que beaucoup qui se sont retrouvés face à face étaient des victimes. Oui. Se retrouver là sans vouloir y être. Oui, oui. J'entends ce que tu veux dire, Michael, mais là, on raisonne dans un temps de paix. On est en paix, on n'a pas été confronté à des époques comme ça, psychologiquement. Je pense qu'on est... Tous les psychanalystes qui se sont penchés sur la question après disent qu'on est on n'est plus en état, on est dans un état de sidération, on est dans un état second, on est dans un état d'agir et de survie, et surtout dans une action de masse, on est en groupe, on n'est pas dans un individualisme, mais il y a un moment donné, effectivement, la question de se poser, est-ce qu'on est, on est en capacité de réfléchir, d'avoir une réflexion, de se dire, voilà... Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on est dans l'irrationnel total. On est dans quelque chose... On est dans une terreur. C'est ça, mais cette situation, souvent, je pense que j'ai de la chance d'être né dans un pays qui n'est pas en guerre. Et dans une époque qui n'y est pas, quoi. Parce que je n'arrive pas à m'imaginer cette situation. Je me retrouvais... Mais c'est normal que tu n'y arrives pas. Et tous autour de cette table, on dira pareil. Oui, oui. Parce qu'on n'a pas vécu. On n'a pas survécu, en plus, pour en témoigner. Juste une chose, c'est quand même 70 ans qu'on est en paix. Et ça, c'est magnifique. Avec nos voisins. Ben merci De Gaulle hein, aussi, puisqu'il y a eu quand même aussi. Oui. Alors, ce qui poussait les soldats à aller se battre, la première chose, c'était déjà l'alcool. Parce qu'ils buvaient énormément. Ce que je disais, le rhum, entre autres. Ouais. Et la deuxième chose, c'était la haine, parce qu'ils ont tellement de camarades qui sont morts que forcément, ils avaient la haine contre l'ennemi. Ouais. Donc, c'était surtout de très la haine. Très juste. Oui, puis il y a une volonté de survie, une volonté de se venger. Enfin, on est dans on n'est plus dans un état de réflexion, on n'est plus dans un état de... Normal. On est plus dans un état de survie. Mais vous imaginez, au bout de 3 jours, avoir faim, froid, dormir dehors dans la brume et obligé de tuer des gens? Oui, on peut l'imaginer, on peut le comprendre, mais on ne peut pas le ressentir. Non. Mais moi, c'est là où le respect s'impose par rapport à ces gens qui, eux, l'ont vécu. Une semaine, moi, je suis morte, là. Mais t'en sais rien, on ne sait pas dans les situations comment on est, finalement. Peut-être. Secondez-nous. Moi, je disais, la longévité de la guerre fatigue le soldat de part et d'autre, et par rapport à ce que dit Félicie, arrive un moment, ils se battent l'un contre l'autre sans vraiment le vouloir. Ils n'ont plus cette adrénaline qui les porte avec le fusil pour flinguer l'ennemi en face. Ils ne regardent plus de la même façon, leur regard n'est plus le même. Et puis ça donne, par exemple, le résultat de ton livre, les récits les plus macabres qu'ils ont à dire. Mm-hmm. La souffrance... tourmente, il n'y a que des tripes que tu vois. Des corps mutilés, tout à fait. Mais, de patriotes que tu as, potes. Je réfléchissais, je crois qu'ils sont rentrés de la guerre bien plus abîmés psychologiquement que physiquement aussi. Ouais. Et qu'à la limite, ils étaient schizophrénés. Ils ont été schizophrénés par la guerre, par ceux qui voulaient la guerre. Mmh. Parce que ils ont vécu une réalité où personne ne pouvait les comprendre. Que entre eux. Ce qui s'est d'ailleurs reproduit à la Seconde Guerre mondiale quand voilà. On entend Simone Veil qui revient de la Shoah, qui oui. pendant 20-25 ans oui. n'en a pas parlé parce oui. que les gens ne la croyaient pas. C'était ah oui, impensable. Ben si, si, parce que justement, le stigma, voilà, y a, l'horreur est tellement prononcée. Et à la limite, elle n'en avait pas forcément non plus l'envie, le besoin, puisqu'elle ne pouvait pas le partager avec des gens qui ne l'avaient pas partagé avec elle. Elle a mis 20-25 ans à pouvoir justement, une fois que les historiens s'en sont emparés, qu'il y a eu des livres, qu'il y a eu après évidemment des études là-dessus, dire voilà, oui, ça s'est passé comme ça. Mais c'est un peu le même phénomène, hein, ouais. C'est un phénomène de sidération. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont rentrés, ils étaient hébétés. Ils étaient à moitié schizophrènes puisqu'ils avaient été plongés dans une réalité. Pas forcément schizophrènes, mais... Dans une réalité qui était impensable. Donc, ils étaient bêtés. Non, mais c'est traumatisés. Alors, il est 16h30, on va faire une première pause musicale parce que le temps passe. C'est un sujet vaste, on pourra peut-être encore en toucher quelques mots ensuite. On va s'écouter, c'est ton choix, Félicie, La Colombe de Jacques Brel. Oui, c'est symbole qui parle, de la voilà, paix. Voilà. Ouais. On se retrouve tout de suite après. Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né, que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Voilà, vous êtes sur Radio Gemozo dans Boomerang. On s'écoutait à l'instant en pause musicale, évidemment Jacques Brel, grand chanteur, qui nous a quittés il y a 40 ans cette année, en 78, sur les îles Marquises, par là-bas. La Colombe, voilà, magnifique chanson. Allez, on fait un tour de table en vitesse avec Félicie, Dominique, Segundino, Marcus, allez dire, Mika, enfin, voyons. Je m'emballe. Et puis Pascal à la technique, Jean-Baptiste à l'animation. On parlait de la Première Guerre mondiale avec Félicie qui nous a ouvert l'émission sur ce sujet-là. On est en pleine commémoration. Macron, là, en ce moment, fait un tour de tous les endroits commémoratifs de cette grande guerre. On parlait de ses lettres par rapport à ce livre, Paroles de Poilu, lettres et carnets du front 14-18. Ouais. Peut-être encore un dernier tour de table sur ce sujet-là, vous auriez des choses à ajouter ? Moi, c'est sur les conflits en général. C'est que ce qui m'embête, c'est toujours l'idée de manipulation. C'est-à-dire, je reviens au fait que les gens se retrouvent là alors qu'ils n'ont rien demandé, juste parce que quelques-uns ont décidé et c'est pas ceux qui vont se battre. Ben voilà. On retrouve toujours le même schéma dans les conflits, quoi. C'est de la manipulation de masse. D'accord. Pascal semble pas trop d'accord, lui. Il a une opinion différente. Oui, je pense ça que la Première Guerre mondiale, elle est débutée comme ça. Parce que les Français, ils voulaient récupérer l'Alsace et la Moselle. Ils étaient extrêmement motivés. Ils étaient très patriotiques au début. C'est après qu'ils se sont rendus compte. Je suis assez d'accord. Plus à la deuxième, ça s'est passé comme ça. C'est après qu'ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils faisaient. Parce qu'ils pensaient aller faire l'aventure de leur vie. Et ils voyaient pas les morts. Ils pensaient qu'ils étaient tellement forts. En fait, C'est bien de préciser. On peut pas généraliser ça à tous les conflits. Le courage de crâne, il était quand ils ont fait leur école militaire, qu'on leur a dit qu'ils étaient les meilleurs. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, d'ailleurs. Dominique. Ils pensaient que ça allait pas durer non plus, la guerre. Oui, c'est vrai. Oui, ils sont partis, ils ont dit ça, on en a pour 2 mois et c'est terminé, mais moi, malheureusement... Moi, je croyais qu'ils voulaient envahir les Français, moi, les Allemands. Oui, c'est le principe là. C'est une invasion totale dans le pays. Je croyais qu'il allait faire une invasion totale dans le pays. Ce que précisait Pascal par rapport à ce que disait Michael, c'est comment l'embrasement s'est fait. Et c'est vrai que sur la Deuxième Guerre mondiale, ça correspond plus à ce qu'évoque Mika, c'est-à-dire c'est un groupuscule. Il y a eu Himmler, la montée du nazisme, Himmler, Hitler, après Mussolini, tout ça. Et puis c'est un petit groupe finalement qui a embrasé par l'idéologie des millions de gens, et puis des milliers de gens en tout cas, ensuite par la suite, qui ont été eux-mêmes victimes. Alors que eux, ils s'en sont... Enfin, bon, il s'est suicidé, Hitler, en 45, mais ils s'en sont plus ou moins sortis quand même. Mais sur la première, il n'y avait pas cette intelligence stratégique, idéologique, en tout cas, pas aussi prononcée, quoi. Pas aussi cruelle ni perverse. Oui, et puis la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi une guerre d'occupation, c'était une guerre plus stratégique aussi, puis beaucoup plus, on va dire, complexe aussi dans tout ce qui est armement, dans tout ce qui est attaque, on va dire que dans un camp, pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, on se trouve face à un fou. Oui, puis il y a eu la résistance aussi. Je te parle, on se trouve face à un fou. Hitler, lui, c'est un fou. Oui, complètement. Il finit comme un fou avec une balle dans la tête. Ah, oui. Il n'a pas supporté l'échec. Pascal ? C'était un fou, mais un fou très intelligent. Un fou qui a eu une opportunité, qui a cherché à se créer une opportunité, qui n'y croyait peut-être pas, mais... D'accord avec c'est un fou qui a eu l'intelligence de monter un peuple, de détourner un peuple complet qui pensait qu'il avait raison. Tous les Allemands pensaient qu'il avait raison. Tout ce que disait Mika. Ceux qui étaient très cultivés, qui comprenaient, comme aujourd'hui on voit avec l'extrême droite et puis la montée du populisme, on en revient à peu près à la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une partie du peuple qui pense que... Que des les méthodes fortes, sont ça marche. Ouais. Mais les méthodes radicales. Ils avaient peur de lui aussi. Hein. Il a suspendu Hitler, un peu. Il le voyait comme un dieu. Hitler, les filles, elles étaient comme avec un chanteur. Ouais. Mon Dieu, pourtant, qu'est-ce qu'il était moche. Mais sérieux. Hein. Oui, après, c'est autre chose. Mais... Il avait comme copine. Ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à la Première Guerre mondiale, on a tout enlevé aux Allemands. Ils n'avaient plus le droit à la marine, ils n'avaient plus le droit à l'armée, ils n'avaient plus le droit à rien. Et il fallait que Hitler se servit de ça pour dire de quel droit il nous empêche d'avoir ce qu'on a envie. Alors, il a poussé le peuple, justement, comme ça, en disant, voilà... On doit se battre pour récupérer ce qu'on a perdu à la Seconde Guerre mondiale. J'écoutais le témoignage d'un ancien soldat nazi qui est libre aujourd'hui là-bas en Allemagne. Il disait fallait voir comment nous traitaient les juifs avant la guerre, comme ça a été une crise aussi, hein, c'est la pauvreté, il y a eu une crise. La pauvreté qui a, comment dire, tourné un peu. Qui est devenue assez, motivante pour la guerre. Et, Et un autre ancien nazi interviewé disait « ça a recommencé, je recommencerai, hein, dégagé de ma porte ». Mika ? À propos d'Hitler et de référence, je vous conseille un livre que j'ai lu récemment, qui est, il a bien une dizaine d'années, hein, qui est d'Eric Emmanuel Schmitt, qui s'appelle « La part de l'autre ». C'est un travail très intéressant où il écrit en parallèle les deux vies d'Hitler, c'est-à-dire une vie réelle et une vie fantasmée, ce qu'il aurait pu être si il avait été accepté aux Beaux-Arts, puisqu'il avait passé un concours. Et une enfance avec beaucoup de carences affectives aussi, faut le savoir. Et Eric Emmanuel Schmitt a écrit l'histoire d'un Hitler qui aurait pu être différent s'il avait été accepté aux Beaux-Arts. Dominique, tu voulais réagir ? C'était un frustré. Hein. C'était un frustré. Il était complètement frustré. Mmh. Avec Eva Braun, t'en parlais, Secundino. Sa cousine. Ça allait pas. Hein. C'était pas une relation. Bah, elle avait peur de lui. Ouais. Pascal. Mais je reviens là-dessus. Les femmes adoraient Hitler comme un grand chanteur. Elles rêvaient toutes de sortir avec Hitler. C'était un dieu pour eux. Oui, puis il y avait le nid d'aigle aussi qui était un peu le point de rencontre, voilà, le repère. Eva Braun, si vous connaissez son histoire, c'est des filles qui ont été présentées à Hitler, elles étaient encore très jeunes, et elles étaient toutes volontaires. Et par rapport à ce que dit Pascal, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, par exemple, dans les prisons, certains grands assassins reçoivent des lettres, j'ai déjà vu des documentaires, notamment le terroriste Carlos, reçoivent des lettres de femmes parce qu'elles sont fascinées par ces hommes démoniaques. Oui, parce qu'il y a un côté héroïque aussi, un côté marginal, un côté atypique, effectivement, ça peut fasciner. C'est un peu de l'érotomanie, ça. Hein, on pourrait dire que c'est femme ressent. La testostérone pure. Non, mais c'est de l'érotomanie, c'est-à-dire. Si, c'est ça. Les femmes et les hommes de pouvoir. Si, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par les hommes de pouvoir. Tu disais, Mika, qu'il y avait des femmes qui rêvaient de... Qui carrément écrivent à des assassins en prison. À des assassins. Il y a eu un... Moi, j'avais 8-9 ans. Il y a eu l'affaire Roman. Je ne sais plus ce que c'était. Il y avait deux accusés, Didier, je ne sais plus comment, et Roman. L'affaire Roman, ça s'appelle. Et en fait, j'étais tombée. J'avais 13 ans. Hein. J'avais 8, je ne sais plus, entre 8 et 13 ans. Et je suis tombée en amoureuse de Richard Roman. Parce que je le voyais sur le journal. Après, il y a Mérine aussi, ou Mesrine, je ne sais pas comment on prononce. Il y en a qui disent Mérine, d'autres Mesrine. Elle a aussi fasciné les femmes, beaucoup. Mais heureusement que je ne l'ai jamais rencontrée, oulala. Non, mais c'est très vrai, ça. Quand tu vois toutes les saloperies qu'a fait le terroriste Carlos, il y avait une avocate française qui voulait à tout prix sortir de prison. Oui, il y a des exemples comme ça, d'avocates aussi. À tout prix le sortir de prison. Pourquoi ? Parce qu'elle était amoureuse de lui. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, on va conclure sur ce sujet. Oui. On va passer à... Je redonne peut-être... Ouais, vas-y, rappelle-nous les références du livre. Les références du livre, c'est Paroles de Poilu, Lettres et carnets du front 14-18. Alors, c'est écrit sous la direction de Jean-Pierre... faut que je mette mes lunettes. De Jean-Pierre Gueno et Yves Laplume. D'accord, avec le titre, les auditeurs pourront trouver facilement sur Internet, je pense. C'est chez Librio, D'accord. Il y a eu plusieurs éditions, je pense, quand même. Je pense qu'il y a eu d'autres éditions. Il y a eu d'autres éditions. Allez, on passe à notre ami Dominique. Dominique va nous proposer, pour nous détendre un petit peu, d'un sujet qui était quand même assez conséquent, assez grave, en ce centenaire de la Première Guerre mondiale. Un Trivial Poursuite, alors ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça, mais le principe en est le même. Elle va nous poser des questions, tester nos connaissances sur les années 80, sujet de cinéma, de télé, de société, diverses et variées. Ah, merci. Alors on lui donne ses lunettes, voilà, qu'elle puisse... comme ça, je suis pas bien. Animer ce jeu. Allez, on se lance. Alors, quelles sont les trois règles pour bien s'occuper d'un mogwai ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mogwai ? Allez, un mogwai. Qui se lance ? Un mogwai, c'est un gremlin. Pas tous en même temps. C'est un gremlin. Ah, oui. Alors, les trois règles. Ben, ne pas le mettre dans l'eau. Éviter d'amener sous la pluie et pas lui donner à manger à partir de chez Pierre. Il connaît ses classes. Oui. Alors, tu valides ? Alors, la réponse, on apprend dans le film des Gremlins qu'il ne faut ni l'exposer à la lumière, ni le mouiller, ni lui donner à manger après minuit. Sinon, bon, qu'est-ce qui se passe ? C'était pas mal quand même. Sinon, il devient un méchant. Pascal ? Si on le met dans l'eau, en fait, il fait plein de petits. Ouais, il y a des boules de... Oui, ça se multiplie. Ouais, se multiplie. Ça pullule. Tu peux répéter, Dominique, c'est ni à manger après minuit, ni à la lumière, ni... Bah, tu lui rediras en antenne. On va passer à une autre question pour nos amis qui nous écoutent. Désolé. Alors, Patrick Hernandez est connu pour un seul et unique tube planétaire. Lequel est-il ? Born to be alive. Ouais, j'avais trois propositions. Viens boire un petit coup à la maison. Je crois que tout le monde est capable de répondre, là. il y avait trois réponses. Viens boire un petit coup à la maison, Born to be alive ou les petits boudins. Ah, les petits boudins. Les petits boudins. Je connais pas ça. Bon. Alors, la quatrième. Quatre propositions de réponse. En avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Dans quel pays est situé Tchernobyl ? En Russie, en URSS ? Non. Non. En Tchétchénie. En Ukraine, en Biélorussie, en Moldavie ou en Roumanie ? En Ukraine. En Ukraine. Alors là, c'est pour une question pour Pascal parce qu'il les connaît tous. Ah bon, alors nous on est gasoil quoi. Nous on est snobés là. On va voir. Allez, si hop. Il sait répondre. Que dit Arnold Schwarzenegger à la fin de Terminator ? I'm be back. Oui, je serai de retour, je reviendrai. Ah, mais tu savais qu'il saurait la réponse, si c'est de la triche. Non, mais là. Pour savoir, pour le tester un peu, jusqu'où vont ses connaissances. Allez, une autre. Alors, dans l'un des derniers films de François Truffaut, Marion Stenner, Catherine Deneuve, répète une pièce de théâtre alors que Le dernier métro. Oui, voilà, le dernier métro. Il y avait l'amour avec Depardieu. Ou baiser volé. Ah oui, il est beau ce film. Très beau film, ouais. Question. 1980. Une question société. Pour quelle raison Pablo Escobar est-il un personnage bien connu dans les années 80 ? Narcotrafiquant. En Colombie. Oui, exactement. C'est un narcotrafiquant colombien. Le plus gros narco. Et meurtrier aussi. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Allez, une autre. Télé et cinéma. Quel est le nom de l'orchestre qui accompagne le club Dorothée ? Les bronzés, les musclés, les déchaînés. Les musclés. Personne n'ose répondre, c'est la honte. Vous avez tous regardé Dorothée. Hein. Merci mais pour oui. moi. Non, mais c'est notre génération. Oui. Voilà. Non, c'est salut musclés. Les musclés. Ouais, ça fait pas très intellectuel. Quoi. Mais par contre, dans ce groupe, beaucoup avaient été Bernard musiciens Minet. D'autres ouais. de grands chanteurs français comme Johnny, etc. Ah, oui. Non, c'est vrai. Ouais, il me semblait même qu'ils avaient un groupe de hard rock avant de faire les musclés avec Dorothée. Bah, Bernard Minet, qui était un petit peu l'égérie du groupe, est quand même un musicien à la base. Hein. Il officie toujours d'ailleurs, il me semble. Hein. Oui, donc. Il y a Corbier qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Qui faisait partie aussi. Hein, de... Puis il y avait Jackie aussi, le Jackie. Ah oui, Jackie qui faisait Platine 45. Platine 45. Hein, ouais, mais c'est pareil, hein, tant qu'on parle de Jackie, je veux dire, souvent, on a de lui l'image de celui qui était dans le club Dorothée, mais il a été aussi secrétaire particulier de Serge Gainsbourg. C'est vrai. Pendant de nombreuses années. Oui. Et en tout cas, il a peut-être de quelqu'un d'autre également, mais en tout cas, c'est pour dire que c'était aussi un vrai mélomane et quelqu'un qui a eu du poids, musicalement parlant, sous ses airs d'amuseur. Oui, comme le chanteur Carlos, à ne pas confondre avec le Carlos qu'évoquait Segonino tout à l'heure, le terroriste. Je parle du chanteur Carlos qui avait été secrétaire particulier de Sylvie Vartan aussi, et qui ont découvert ensemble Mike Brandt. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on ne sait pas. Tiki Olgado, secrétaire particulier de Johnny et de Claude François. Aussi, voilà. Donc, ouais. Et qui ont fait des carrières aussi ensuite musicales de chanteurs. Oui, puis Carlos, c'était quand même le fils de François. François Dolto, qui a quand même œuvré pour la psychanalyste. Ouais. C'est comme j'avais appris à la mort de Cabu que son fils était Mano Solo. Ah, ça je ne savais pas. Ah oui, d'accord. Mano Solo, c'était le fils de Cabu et je pensais qu'il... Allez, on enchaîne avec une nouvelle question, Dominique. C'est un milieu quand même privilégié, hein, C'est le fils d'eux, c'est la tante ça d'eux. Aide. Ça aide, mais ça peut desservir aussi. Aider, ouais. Hein, être fils d'eux, que... ça peut être aussi quelque chose de plombant. Et... Plus que aider. Hein, ouais. Alors, dans quelle série américaine l'univers est-il impitoyable? Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Ah bah on connaît les classiques. Il y a même des paroles diffusées en France à partir de 1981. Voici les paroles de la chanson du générique. Dallas, malheur à celui qui n'a pas compris. Dallas, un jour il y perdra la vie. Dallas, ton univers impitoyable. Dallas, on a sauvé l'aile dans le studio. On a sauvé Hélène au studio. Allez, c'est l'apéro 80. Hein. Pascal, là, il a des yeux dubitatifs. Il se demande ce qui t'arrive, là. C'est les pleins. Bon, Dallas, en tout cas, t'inspire, Dominique. Voilà. Allez, t'as une autre question? En 1986, à quel premier ministre s'ouvre la première... Avec quel premier ministre s'ouvre la première cohabitation de la 5e République? Oh là là, la politique. Oui. C'est pas Bérégovoy. Non. C'est 86. Okay. Ouais. Chirac. Mitterrand. Ah oui. Oui, Jacques Chirac. Ah non, pas Mitterrand. Bah non. Ah oui. Il a été président. Non, c'est pas d'où ça me sort. Il y a eu cette cohabitation. Je sais pas comment j'ai trouvé ça, j'y connais rien. Alors. Quel est le nom de l'orchestre qui... Ah ben non, celle-là, j'ai déjà posé. Ouais. Voilà, Dallas t'a tourné la tête, eh oui. Ah, l'univers impitoyable. Ouais. À quelle association appartenait le bateau Rainbow Warrior coulé par les services secrets en 1985? Voilà. Ah, voilà. Aucune idée, mais je ne sais pas. Vous êtes incollable en... Et c'est marrant parce que ta carte est verte. Ah, oui, en plus. Oui. Société verte. Sur laquelle il y avait cette question. En quelle année il a coulé ? Quel est le métier de Coluche alias Lambert dans le film Ciao Pantin ? Il est réparateur. Tu sais, plombier ? Plombier ? Je vous laisse répondre, je ne veux pas non plus vous monopoliser. Tu peux répéter la question ? Hein ? Moi je sais. Can you repeat ? Ah non, on parle français à Radio Game Over. Coluche alias Lambert dans le film Ciao Pantin, est-il pompiste, garagiste, boucher ou artiste? Pompiste. Voilà. Pompiste. Ouais. Avec Agnès Soral. Oui. Quel film émouvant. Ciao Pantin. Et le tandem avec Agnès Soral était inattendu, mais extraordinairement bien. Et Richard Anconina, ne l'oubliez pas. Et Richard Anconina. Et puis, il y avait aussi Philippe Léotard dans le film, qui faisait l'inspecteur. Voilà, à ne pas confondre avec François Léotard, qui est son frère qui a fait de la politique, qui n'en fait plus maintenant. Qui fait des livres, j'en ai lu un sur son frère. Oui, l'écrivain. Écrit, c'est beau. Il a chanté également. Ouais. Quel groupe a fait fureur en 1989 avec un album rock qui comprend notamment le tube Au sombrero de la mer? Noir Désir. Ouais. Allez, encore une ou deux questions. Oh, même 3-4, on a le temps. Alors, encore. Quelle cycliste française originaire d'Annecy, c'est au féminin, obtint son premier titre de championne de France en 1985? Pascal ? Une, je crois, c'est Jeannie Longo. Voilà, oui, exactement. Jeannie Longo. Beaucoup de trophées. Michael Jackson a sorti 2 albums pendant les années 80. Lesquels ? Thriller, Dangerous, Bad ou Off the Wall ? Oh. Thriller et Bad. Thriller tous et Bad. En même temps. Segundino. Thriller et Bad, je crois. Ouais, moi je pense Thriller. C'est ça. Musique. Alors ? Quelle chanteuse britannique a chanté le tube Babushka ? Ah ! Kate Bush. Kate Bush. Ouais. Kate Bush. Dominique, tu sais que j'adore. Oui, c'est un peu orienté. Donc, hein. Tu pouvais pas te tromper. Terminator, non, je sais que c'est Pascal. C'est... Kate Bush, je sais que c'est toi. Ouais. Non, mais t'as vu le favoritisme. Attends. Nous, on n'est pas failloté. Il y en a peut-être une pour toi, là. Qui a chanté Reggae Night? Ah bah justement, je sais pas répondre. Bob Marley, oui. Jimmy Cliff ou Kool and the Gang? Jimmy Cliff. Bah, ouais. Mais d'où tu l'as eu ce jeu en fait? Alors explique-nous d'où sort ce jeu. Je me promenais sous les arcades de Remiremont, je suis rentrée à la librairie et j'ai trouvé ce jeu. D'accord. Tu l'as trouvé ou tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Ah bon? Ça coûte 5-6 euros. C'est sympa. Ouais. Allez, encore une ou deux questions, puis on se fera une pause musicale. Trop facile. Qui est le leader de téléphone? Jean-Louis Aubert. Ouais. Et groupe qui a essayé de se reformer sous un autre nom, ça n'a pas trop marché. Ah si, quand même. Si, quand les Insus, ouais. Ça a bien fonctionné. Alors, ils ont fait une grande tournée avec le Stade de France. Mais ils n'ont pas voulu de la... De... Corinne Mariano, la bassiste. Il y a eu cette histoire. Peut-être, Jean-Baptiste, tu vas répondre. La pression. Allez. Une question pour Jean-Baptiste. En 1983, Michael Jackson enregistre un duo avec Paul McCartney. Vrai ou faux? Et quel est ce titre? C'est vrai. Moi, je dirais que c'est vrai, mais je ne sais plus le titre. C'est ça. Vas-y. Voilà. Merci, Segundino. Il a vécu les années 80 à fond. Je ne suis pas un fan, moi, de Michael Jackson. Non? Non. Non plus. Non, honnêtement, non. C'est quand même un emblème. Quand il a fait la chanson La La La. Oui, bah si, il y a quand même certains titres, mais voilà, c'est pas... Ancien acteur et ancien gouverneur de Californie, quel candidat républicain a remporté la présidentielle américaine en 1980? Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford ou Richard Nixon? Ronald Reagan. Jimmy Carter, c'était encore avant. Alors, là, c'est je ne sais pas, c'est pour les garçons. Avant d'être président, il avait été aussi gouverneur de Californie, tout comme Schwarzenegger maintenant. Oui. À quel poste jouait Michel Platini? Premier 10. Oui, mais alors à quelle époque? À quelle époque? Bah, les années 80. Oui, 10. Il officiait déjà dans les années 70 aussi. Ah oui, donc, bah, oui. C'est meneur de jeu, le 10. Ouais. Il a été à Saint-Etienne, il a été à Nancy, il a été à Paris. Enfin bon. Moi je dirais 10. 10. Il était milieu de terrain. Bon. Ah. 10. Voilà. Allez, une dernière question, Dominique. Qui reprend en main financièrement l'Olympique de Marseille dans les années 80? Tapis. Ah. Ouais. Voilà, Bernard Tapie. En fait, j'arrive mieux avec le foot, alors je déteste le foot, qu'avec Michael Jackson. C'est incroyable. Chacun ses références. Non, mais je ne suis pas tellement passionné plus de foot pour autant, quoi. Bon, allez, c'était le petit morceau de bravoure, le petit interlude, on va dire. Et t'es inspiré par Dallas, toi, quand même. Hein. Ah oui, moi, j'ai regardé Dallas. Comment ça se fait, ça? Ben, avec ma mère, on adorait ça dans les années 80. Moi, c'était Santa Barbara, moi. C'est un peu plus récent, ça, Santa Barbara. Ça se passait le samedi soir, je crois. Ouais. Et tu préférerais quoi comme personnage dans Dallas? Ben, pour les gentils, je mets bien Bobby. Ouais. Mais JR, il était quand même bien... Ouais. Bien intéressant dans ses... était très bien. Il y avait la petite Lucie aussi. Ah oui, Lucie. La oui. petite Lucie, la petite blonde. On ne voyait pas souvent. Si, elle était dans les épisodes. Franchement, pas mal aussi. Je ne regardais pas. Mais pas puis il y avait Pam, la femme à Bobby. J'aimais bien Pam. Victoria principale. Moi, j'aimais bien l'exubérance de Augusta dans Santa Barbara. Elle était toujours pleine de fou. Ouais, il y a eu des personnages ensuite annexes qui sont venus. Les deux personnages qui étaient un peu spéciaux, c'était JR et puis sa femme qui était alcoolique. Linda Gray et puis Larry Hagman, les deux acteurs. C'est vrai que c'était une saga quand même, on va dire. Et puis il n'y avait pas 36 chaînes de télévision à l'époque. Donc, C'était la grande époque des séries américaines. Ça commençait. C'était la première, donc on a regardé. Ah non, il y en avait déjà dans le temps. Il y avait Super Jimmy, l'homme qui valait 3 milliards. Il y a eu l'incroyable Hulk. Il y a eu Les Envahisseurs à la fin des années 60 avec David Vincent. Enfin non, il y a eu quand même des séries... Des séries comme ça, c'était pas quand la première. Quand je suis arrivé ici, passer Les Envahisseurs, quand je suis arrivé en France... Notre première télé, je regardais Les Envahisseurs. C'est 67, 68 Colombo, oui. Non. Non, mais Les Envahisseurs, les séries datent de 67, 68. Après, elles ont été diffusées plusieurs décennies après en France. Il y avait Ma sorcière bien-aimée aussi. C'est les mêmes époques. Mais vous savez que j'arrive à faire pareil, regardez. Mais tu ressembles pas à Elisabeth Montgomery. Hein. Non, elle était blonde. Je suis brune américaine. Je suis brune, mais les brunes comptent pas pour t'as flairé la couille en triangle. Et vous savez, petite anecdote à propos de cette série, ils sont tous morts. Non. Dans cette série, il n'y a plus un seul survivant. Oui. Y a ni dans les acteurs, les actrices, ni les producteurs, décorateurs, électriciens, tout ça. Il n'y a plus personne de survivant. Il y a une espèce de... Ouais. On va dire... Ils sont morts de vieillesse, non? Ouais, enfin, il y a eu beaucoup de cancers. Donc, il y a toujours une question qui a été posée. Un peu, c'est la légende de cette série-là. Parce qu'il y a eu plusieurs saisons aussi. Mais c'est vrai, incarné par Andorra aussi. La maman. C'était Agnès Moread. C'était une actrice Il y avait Montgomery. Elisabeth Montgomery, c'était Samantha. Il y a eu deux maris différents. Dick Sergent, Dick York, je crois, sur les premières saisons. Et Dick Sergent en dernière saison, années 70. La fille. La fille. Hein? La fille, elle est pas morte. Tabata, oui. Tabata, Erin voilà, Murphy, ouais. Ouais. Elle faisait actrice, des tours aussi. Ouais. Elle fait toujours du cinéma, d'ailleurs. Hein. Ouais, elle a à peu près à nos âges. Hein, mais... Bah, ça est la seule survivante, alors. Oui, c'est la seule survivante, mais elle, elle n'est pas inclue dans une saison. Elle apparaissait vraiment ponctuellement, quoi. Bon, puis il y a eu aussi la fameuse série La Petite Maison dans la Prairie. Ah, donc, tu vois, il y en a eu des séries américaines avant Dallas. Enfin, moi, la première que j'ai regardée, oui, c'était Dallas. Mais c'était pas la première qui a été créée, qui a été diffusée. Mais alors, quand c'est repassé après, où ils ont fait une suite, j'ai pas du tout. Je sais pas. Bah, après, il y a eu aussi plein d'autres. Côte Ouest. Il y a eu Côte Ouest. Ouais, ça aussi, j'ai regardé. Il y a eu Dynasty. Il y a eu Dynasty aussi. C'est hein, avec Joan Collins. Mika, celle qui jouait Lorraine Gulls dans La Petite Maison dans la Prairie, est venue deux fois au cinéma L'Entracte à Vanier pour présenter son qui One jouait, Woman Show. Qui jouait Nelly. Ah oui, Nelly Olson. Qui jouait Nelly Olson, Alison Arngrim. Oui, ouais. Alors, la petite anecdote, je vais encore parler de moi, c'est rare. J'ai failli me retrouver être son impresario. Parce qu'il y a 12 ans, à l'époque où j'étais à la radio en tant que professionnel, j'avais eu le projet. Comme elle jouait sur Vanier, elle était dans les Vosges, j'avais contacté Patrick Loubatière, qui était un Français, qui la produisait en France. Et lui, ça faisait quelques années qu'il s'en occupait, et il cherchait une personne pour lui succéder. Et justement, il avait été prévu que je fasse une émission, mais après, pour des histoires de disponibilité de Alison Arngrim, donc alias Nelly, j'ai pas pu la faire venir en studio, mais j'avais eu le projet, hein, c'est vraiment sérieux. Et pour faire la promotion de La Garce dans la Prairie, le spectacle qu'elle allait faire. Ah, La Garce dans la Prairie. Voilà, ouais, qu'elle faisait. C'était les mairies, en fait, qui finançaient et qui faisaient venir pour parler, justement, où elle racontait ses souvenirs de tournage. Mmh. Et lui m'avait dit, mais pourquoi pas qu'on se rencontre. Alors, il fallait que j'apprenne vraiment à parler l'anglais, parce qu'elle ne parlait pas du tout français encore à l'époque. Mmh. Et ça m'avait traversé l'esprit. Il avait dit, t'es tellement connaisseur, ça serait bien. Puis bon, ça ne s'est pas fait, c'était pas le destin. Ouais, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une anecdote liée à Radio Gamozo qui est assez notable. Ouais. Allez, on va se faire une pause musicale. La deuxième, on va s'écouter Suzanne Vega. Alors, je ne sais pas le titre, c'est Pascal qui a fait le choix. C'est Lucas. Lucas, on se retrouve tout de suite après. Oh, j'adore. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. C'est une bonne idée, je disais à Mika, de peut-être faire des interventions interactives avec les auditeurs qui nous écoutent. Pourquoi pas ? Ça serait une idée à peut-être développer, à faire mûrir dans les prochains Boomerang. Voilà, Suzanne Vega, Lucas. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission Boomerang, 80 minutes pour Boomerang, avec Félicie, Dominique, Mika, Segondino, Pascal, Jean-Baptiste. Au micro aujourd'hui. Alors, on enchaîne de nouveau avec Félicie, avec, on va parler de film catastrophe aujourd'hui, avec, en référence, le film Pic du Dante. Le Pic du Dante, oui. Un film catastrophe. Film catastrophe de 1997. Il est pas bien devant le micro pour que tout le monde puisse nous entendre. Alors, oui. Alors, moi, j'ai pas du tout l'habitude de regarder ça, ce genre de film. Mais bon, j'ai été piquée par la curiosité et puis par le manque de films bien aussi sur les autres chaînes. Donc, c'est un film américain. De 97. Je vous lis le synopsis. Harry Dalton, volcanologue qui bien devant ton micro. Ouais. Harry Dalton, volcanologue qui à la suite de la mort de sa compagne avait renoué avec qui avait renoncé à ses recherches, renoue avec ses anciens collègues de Vancouver. Le pic de Dante, volcan endormi dans l'état de Washington, présente des manifestations sismiques de faible amplitude. C'est un volcan fictif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Mais il en existe d'autres comme ça, faut savoir. La mère de la petite ville de 20 000 habitants, qui est ville primée la deuxième plus agréable à vivre, fait tout pour ses habitants. Mais elle va être confrontée à la vie des notables qui ne pensent qu'à l'économie et le tourisme, à l'image de la ville, plutôt que de préférer protéger les habitants à évacuer, évidemment. Tout devient sérieux quand un couple de campeurs est retrouvé ébouillanté lors d'une baignade sur la pente d'un volcan. Alors, on a bien compris, voilà. Voilà. dans tes premières lectures, tu as bien planté le décor. Peut-être faire un premier tour de table. Ouais. Déjà, est-ce que vous aimez les films catastrophes, Mika ? C'est ça que je voulais demander. Oui, moi, j'en ai vu quelques-uns. Et d'ailleurs, je l'avais vu, le Pic de Dante, à la sortie. Ah oui. Mais je ne saurais même plus raconter. Bah, déjà, tu viens de nous dire l'histoire. C'était avec l'acteur, je crois. Et c'est rigolo parce que tu dis le personnage s'appelle Dalton, parce que c'est le nom de l'acteur qui joue, je crois, Timothy Dalton. Alors moi j'ai Linda Hamilton. Linda Hamilton. Et le gars, je crois que c'est Timothy Dalton. Non, j'ai Pierre Brosnan. Ah, c'est Pierce Brosnan. Peut-être ils ont joué, ils ont non, fait. Non, Pierce. C'est Pierce Brosnan, mais ils ont fait des James Bond tous les deux. Il y a peut-être pour ça que tu as confondu. Pas sur les mêmes films. Ah, mais oui, ils ont joué tous les deux James Bond. Et ils ont des physiques un peu similaires. Ouais. Et alors, c'est donc, bien le nom du personnage et c'est pas l'acteur. Voilà. C'est, oui, sauf que c'est pas Timothy. Mais oui, ça fait une coïncidence. C'est vrai qu'on peut confondre, effectivement. Il y a l'acteur Dalton, et là, c'est le nom du personnage. Mais celui qui joue, c'est quand même Pierce Brosnan. Brosnan et Linda Hamilton. Un film catastrophe référence, je pense que vous l'avez tous vu. Il y en a d'autres. Hein. Non, mais c'est La Tour Infernale. Ah ben oui, mais il y en a aussi d'autres. Que j'ai vu ce film. Alors, Pascal. Moi, je voudrais continuer mon tour de table sur ce que vous, si vous aimez ça, ce que vous pensez des films catastrophes en général. Non, je l'ai vu ce film plusieurs fois parce que c'est un film qui n'est pas récent. Moi, je trouve que ça explique bien justement quand on fait de la vulcanologie, tous les symptômes en fait des volcans quand il va y avoir des éruptions. Que ce soit le soufre qui sort, que ce soit en fait ça explique bien, le film explique bien. Ouais. D'accord. Donc les signes avant-coureurs, les prémices, voilà. Il y a aussi des fois des vibrations. Et puis aussi l'eau en fait qui est remplacée par de l'acide sulfurique parce que ça vient du soufre. S'il y a du soufre, il y a de l'acide sulfurique et tout ce que ça peut faire dans quelqu'un qui tombe dans l'acide sulfurique. Oui, et puis effectivement aussi des émanations de gaz aussi qui commencent à s'échapper et qui donnent des signes avant-coureurs. Mmh. Après, il y a différents types de volcans. Hein. Mmh. Tous les volcans ne sont pas... Alors, le but de ce film, en fait, c'est... dans ce film, il se sert justement d'un boîtier qui envoie des impulsions si on est sous terre. Donc, c'est des ondes radio qui passent la Terre, en fait, qui passent... même si on est sous terre, ça passe et on... C'est grâce à ça qu'il Mais pour sonder les vibrations, les signes, les prémices en fait. Et donc il a été obligé de se cacher dans un tunnel et c'est grâce à cette boîte qu'il a été repêché, quoi, ils ont creusé, qu'ils l'ont retrouvé. Mais ce que tu dis, c'est valable aussi pour les tremblements de terre, pour les séismes, où il n'y a pas forcément de volcan. Il y a effectivement, je crois, sur Strasbourg. Nous, on est sur une zone sismique dans les Vosges. Oui, je voulais en parler, Remiremont, on est sur une faille sismique. Il y a eu en mai 1682 minutes. Il y a 10 ans, simplement. Il y a un trou, un trou qui a été formé par le volcan. Où ça? Quand tu vas du côté de la rue du Canton, après l'école Jeanne d'Arc, tu continues, ça fait une cuvette, on allait jouer au foot dedans. Oui. Et c'est un espèce de petit cratère. Oui. Mais c'était pas... Mais hier soir, je flippais en regardant. C'est un affaissement de terrain, si tu veux. Il y a eu un affaissement de terrain dû à un tremblement de terre. Oui. Pascal. Mais la dernière secousse sismique, c'est pas en 1600, c'est il y a une dizaine d'années, on s'en souvient tous. Hein. Ah oui, mais c'est vrai, mais il n'y a pas eu de. C'est qu'il y a eu en 1984, il y avait Haroun Taziev qui était à l'occasion. Si vous vous souvenez, d'ailleurs, il y a eu une coupure d'électricité, on s'est retrouvé dans le noir, c'était la nuit, ça a bien secoué, et moi, je promets que j'ai eu la trouille de ma vie. Oui, il y a une dizaine d'années, Ça a secoué dans les années 2000 aussi. Oui, c'est ça, oui. Je c'est ce que je dis, oui. Alors, il faut savoir que l'Italie remonte et pousse donc la Suisse, l'Autriche, le flanc Strasbourg. Est de l'Allemagne, fait glisser l'Alsace. Et donc entraîne les Vosges donc vers le nord. Enfin après c'est en millimètres que ça se déplace, un millimètre par an. Mais il y a une poussée effectivement et qui crée justement cette. De toute façon on est en zone montagneuse, hein. Donc forcément c'est comme dans les Pyrénées, les Alpes, c'est des fractures. Hein. D'ailleurs, dans mon souvenir, j'ai été impressionné parce que j'avais l'impression d'être sur un bateau, de voir le sol qui était si meuble. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très pénible. Hein, parce que quand on voit des images au Japon, par exemple, parce que nous, on peut dire que les tremblements de terre qu'on a peut-être vécu, ça reste des vibrations. Il y a une déflagration qu'on entend, il y a l'onde de choc qu'on peut entendre. Et si ça se passe en journée, qu'on est éveillé, donc on sent des vibrations dans le bâtiment. Mais quand on voit au Japon, c'est carrément des secousses. C'est-à-dire vraiment, ça remue et ça fissure les bâtiments. Et je sais que les constructions, les immeubles sont montés sur vérin, les fondations sont sur vérin. Et les buildings aussi se balancent. Et on peut trouver des images d'ailleurs sur YouTube où on voit les immeubles tangués comme ça, osciller de plusieurs centimètres, même de 1 ou 2 mètres, et qui encaissent les vibrations et ne s'écroulent pas. Déjà, même sans tremblement de terre, tu te mets au sommet d'un building de 200 mètres de haut. Il se déplace. C'est vrai. Un tour. Oui. Tout à fait, avec le vent. Je ne sais pas. Non, c'est pas très rassurant. C'est non, mais il a raison. Puis c'est les buildings, mètre, la technique du building américain qui est en ossature métallique. Et c'est comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel suit le soleil au niveau de son sommet. C'est-à-dire, comme il y a une dilatation, elle est attirée. La ferraille chauffe, c'est attiré. Et donc, elle suit l'ellipse du soleil dans la journée. Donc, elle est montée sur vérin aussi, la Tour Eiffel. Oui, complètement. Oui, tous ces édifices-là, justement. C'est quoi sur vérin? Je ne sais pas. C'est comme des amortisseurs. Hein. C'est-à-dire, c'est un dispositif de silant de bloc. C'est des silant de bloc, donc avec des couches de caoutchouc et puis de rouleaux, finalement, qui sont encerclés et qui peuvent, justement, quand le sol bouge, les fondations donc remuent avec le sol, l'édifice, lui, donc qui se répand sur la hauteur, eh bien, ces silant de bloc absorbe les secousses, et donc l'immeuble est amorti au même titre qu'un amortisseur de suspension de voiture ou de train. Par de l'huile sous pression. Et ça évite que le bâtiment finisse par s'effondrer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, alors là on rentre un peu dans la technique, la rentrée en résonance d'une matière, c'est au moment où tu fais trop vibrer un objet, surtout du béton ou des éléments comme ça de bâtiment, il finit par éclater. Et donc à partir du moment où il y a des fissures et un éclatement de la structure, bah, le bâtiment n'a plus de solidité et risque de s'effondrer. Et c'est les images qu'on voit des fois malheureusement dans les catastrophes. Comme les épilateurs. Quel rapport? Je vois pas quel est le rapport. En tout cas, en voyant ce film, je me suis dit, mais premièrement, on est sur une faille sismique. Et justement, c'est Secundino qui parlait de Saint-Nabor, c'est ça que tu peux... De la rue du Canton, je me disais, mais oui, la montagne... Bien devant ton micro. Je me disais, il y a la montagne tout près de chez moi, qui est celle du Calvaire, et il y a la montagne juste là-bas, l'autre qui est derrière Saint-Nabor, derrière les maisons... Derrière la rue du Canton. Oui, bon, et je me dis, peut-être il y aurait une faille sismique là, entre les deux. Et je me dis, félicite, en plein dedans. Oui, mais après, il y a un autre exemple. Il y a les volcans d'Auvergne. On les voit, les cratères, encore, même si c'est endormi par les années. On voit quand même les monts d'Auvergne sont quand même des anciens volcans. Et potentiellement, on dit que ça peut se réveiller. Bon, après, voilà, il y a très peu de risques, mais il y a des tas d'autres exemples. Moi, je voulais revenir sur le sujet de Félicie, autour du film Le Pic de Dante, mais d'une manière plus générale, les films catastrophes. Moi, ce qui me dérange dans les films catastrophes en général, c'est les conceptions de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait languir pendant tout le film avec les histoires d'amour et tout ça. Il ne se passe rien et c'est les 15 dernières minutes où là, je vois Mika qui rigole, donc ça a l'air de te dire quelque chose aussi, de te faire référence. Et c'est les 15 dernières minutes où il y a effectivement le plus spectaculaire du film, c'est-à-dire la catastrophe. Et c'est là où tout s'accélère, c'est là où tout le monde se cherche parce que tout le monde se perd, on ne sait plus où. Alors que pendant une heure et demie, ça traîne en longueur. Moi, j'ai vu beaucoup de films catastrophes qui étaient faits comme ça. Et c'est un peu décevant. Voilà. Pas tous, mais une majorité. Voilà. C'est pour ça que je regarde pas trop, parce que moi, j'aime pas ce côté étalage de spectacle à la fin. C'est une forme. Tout le monde... C'est pour tenir le spectateur en haleine. Non, mais c'est à la fin, tout le monde, tout est beau, tout est gentil. Mais ce que j'aime pas non plus, c'est qu'il y a que les héros qui s'en sortent. Hein, dans ces films-là, il y a. Oh, pas toujours. Hein. Pas toujours. Titanic qui s'en sort pas. Titanic qui s'en sort pas, il se sacrifie pour sa belle. Donc je suis pas d'accord. Moi je pense que quand on parle des tours jumelles, par exemple, je pourrais dire que la réalité dépasse la fiction. Ah oui. Ah bah évidemment. Là effectivement. Et là on se rend compte que les films catastrophes, en fait, ils sont pas très loin de la réalité. C'est une forme de recherche de suspense, je pense. Un film de catastrophe, quand ils mettent le... Tu peux baisser ta main. T'as la parole. quand ils mettent comme ça la catastrophe qui arrive peu de temps avant la fin du film, c'est un suspense qui travaille pendant tout le film et qui fait histoire. Oui, mais c'est vrai. Tu regardes le film Titanic, Dominique, que tu viens d'évoquer. Bon, alors après, c'est une histoire vraie, là. On n'est pas sur quelque chose d'imaginaire. Ouais. Ça reprend la réalité. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au début, tout se passe bien. Même quand il heurte l'iceberg, le bateau ne réagit pas tout de suite. Il ne gîte pas tout de suite. C'est un naufrage qui s'est fait sur la durée, sur quelques heures. Évidemment, la fin est spectaculaire, en plus, puisque le bateau se casse en deux. Mais c'est vrai que ça reprend quand même la technique des films catastrophes, c'est-à-dire qu'il y a quand même des longueurs, il y a cette histoire avec les passagers, avec les deux personnages principaux. Moi, j'adore. Ah ben oui. Ben oui, c'est. Mais après, il y a une partie romancée aussi. Moi, j'ai l'impression que ce sont deux parties distinctes. La première, la romance, la lutte des classes. Et la deuxième, le film catastrophe. Oui, mais la partie vraiment où il y a le naufrage à proprement dit, c'est-à-dire, il y a le gîte qui commence à s'incliner, commence à pencher, les gens commencent à un peu s'apercevoir qu'effectivement, il se passe quelque chose. Parce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le bateau a été ventré sur le flanc. Oui. Il avait été construit insubmersible sur toutes les fiches techniques de l'époque qu'on peut trouver sur n'importe quel site maintenant concernant le Titanic. C'était vraiment un paquebot insubmersible parce qu'il avait des portes au niveau du fond de cale qui pouvaient se fermer l'une derrière l'autre pour empêcher l'eau de rentrer, mais par l'avant. Alors que sur le côté, les portes, elles servent à rien puisque l'eau s'est engouffrée sur le côté, puisqu'il a raclé l'iceberg, il a été déchiré vraiment sur les trois quarts de la coque. Donc il a commencé à agiter, et c'est au moment où il s'est plié, il s'est cassé en deux, c'est là où ça a été spectaculaire. Alors tous les doigts se lèvent, Titanic inspire, allez Pascal. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des cales sèches, d'accord, il y avait des cloisons qui étaient faites, mais elles ne montaient pas jusqu'en haut de la coque. Et en fait, l'eau a passé au-dessus de ces cloisons qui étaient fermées. Oui, mais elle s'est aussi engouffrée par le côté aussi. Oui, oui. Et là, il n'y avait rien pour protéger. Oui, parce qu'il y avait plus de trois compartiments qui étaient fermés. Oui, il y en a 6 ou 8, hein, je crois. Mais moi, j'avais regardé un reportage. En fait, ils prenaient un chemin maritime. En fait, l'iceberg, c'est pas l'iceberg qui a réellement cassé la coque, c'est que c'était un iceberg qui venait de Norvège et qu'à l'intérieur il y avait une énorme roche. Et il paraît que ce serait la roche qui est Iceberg, c'est dur comme de. Non. C'est la partie émergée. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que c'était une coque qui était encore fabriquée avec des rivets. Tous les rivets ont sauté, ça je sais. Mais il y a une bonne histoire de roche. Je voulais ajouter un truc. C'est un truc qui sort un peu du sujet, puis qui est dans le sujet. C'est que l'histoire du Titanic, ça avait inspiré, avant que ça n'arrive, un écrivain qui avait écrit l'histoire d'un bateau qui s'appelait Titan, et qui était un énorme bateau, qui était le plus gros bateau qu'ils avaient à l'époque, et un visionnaire, quoi. Le bateau a coulé de la même façon. Et c'est assez. Oui, puisqu'évoquer. C'est bizarre. Un aspect du film, puisque c'est un film catastrophe, un aspect du film que Mika vient d'évoquer, c'était la lutte des classes. C'est-à-dire quand on voit les troisièmes classes qui sont en fond et on ferme les grilles pour les sacrifier, en fait. C'est-à-dire que là, on est dans. Ça revient un peu à notre sujet premier qu'on évoquait tout à l'heure avec la Grande Guerre, où il y a cette espèce d'instinct de survie, où là, il n'y a plus vraiment de. On est individualiste un peu, hein, même beaucoup. Et on essaye de sauver sa propre peau en marchant sur tout le monde, en essayant d'attraper une chaloupe au passage. Parce que ça a été un fiasco total au niveau l'équipage, il n'y avait plus personne. Le capitaine Smith, il s'est enfermé dans sa cabine et puis il a dit c'est terminé, fini. Il s'est sacrifié, quoi. Mais enfin bon, il n'a pas non plus. Ça a été un bordel pas possible, quoi. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça a été un Capharnaüm aussi, quoi. Et tous ces gens-là de troisième classe se sont retrouvés au fond et ont été noyés les premiers, quoi. On le voit bien dans le film d'ailleurs. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils étaient tellement sûrs qu'il était insubmersible qu'il n'y avait pas le nombre de chaloupes. Il n'y avait pas assez de chaloupes pour tout le monde. Ah oui, donc c'est de là qu'ils ont enfermé les troisième et seconde classes pour que les premières classes puissent monter dans les chaloupes avant tout le monde. Mais il y a aussi qu'elles étaient les trois quarts vides. Tombées à l'eau, mais il y avait une dizaine de personnes dedans alors qu'elles pouvaient en comporter 10 fois plus. Mais remarque, tu sais, quand on voit le Concordia. Mais il y a quelques années, c'est pratiquement 100 ans après, ça a été un fiasco total aussi. Et le secours a été amerdé de la même manière. Alors que c'était carrément... Elles se sont retrouvées à devoir marcher sur la coque, à sauver leur peau. Ça a été un bazar pas possible aussi. Donc ça pose des questions quand même sur l'entraînement et la sécurité s'il y a un naufrage de croisière. Et le capitaine s'est barré. Oui, en plus, ouais. Et en procès. Et le plus grave, c'est qu'ils étaient carrément à la côte. En fait, le bateau n'était pas en haute mer, il était complètement à la côte. Et là, c'était de la roche, Félicie, pour le coup. C'était pas de la glace. Oui, c'était de la roche. Là, c'était vraiment de la roche qui l'a déchiré au niveau de la coque. Ouais. Non, et puis il faut savoir aussi, c'est que les premiers paquebots à l'époque du Titanic, il n'y avait pas l'aviation, et encore moins l'aviation civile. Ouais. Donc si on voulait y aller d'un continent à l'autre, c'était une traversée transatlantique, c'était des traversées. Et ce bateau-là, c'était le fleuron. Bon, après, il y a eu Normandie, il y a eu d'autres bateaux. Mais c'était le fleuron, c'était vraiment la référence. Et c'était son premier voyage. Ouais, son premier et il n'a pas atteint Southampton, hein, je crois. Hein. Il ne l'a pas atteint, donc ça a été une catastrophe, quoi. Ça a vraiment été. Et il faut savoir que les restes de la coque, l'épave, gît par 4000 mètres de fond, mais là, maintenant, au bout de 100, c'est 1912. Donc ça fait 105 ans, 106 ans, il ne reste plus grand-chose. C'est-à-dire que l'eau salée, la mer, les fonds marins ont tout bouffé la ferraille. Je crois qu'il y a de la vaisselle, hein. Il y a beaucoup d'objets, de choses qui ont été sauvées. Il y a un musée, mais c'est vrai que c'est un cimetière marin. Quoi. C'est James Cameron qui a fait un reportage sur ce qu'il y avait au fond, je crois. On voit dans le début du film. Avant de faire le film. On voit le début du film quand la dame qui a des lits, donc a survécu. Le diamant, le fameux diamant à l'eau. Oui. Alors où il est ce fameux diamant? C'est un roman, l'histoire du diamant. C'est un roman, l'histoire du diamant. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu que Titanic, je ne sais plus quelle année, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Il a 20 ans ce film. Hein. Oui, mais il y en a eu bien avant des films. Mais il y en a eu d'autres. En 83, j'ai vu. Enfin, j'en ai vu d'autres. Oui, mais après, c'est comme. Voilà, on citait aussi La Tour Infernale. Bon, il y a. C'est vrai, quand tu parlais du 11 septembre, là, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Alors qu'il y avait déjà eu des films avant, qui avaient été faits dans les années 70 aux États-Unis, de buildings qui prennent feu. Et, effectivement. Encore quelque chose à ajouter ? Faire un petit tour de table sur les films catastrophes ? Oui, si on vit vraiment ce que les films catastrophes nous présentent, comme tu parles des tours, je ne sais pas où on va, c'est grave quand même. Ouais. La nature, elle a des droits aussi. Mais... Allez, on fait une dernière pause musicale avec Howard Jones, Look Mama. Les années 80 sur les ondes de Radio Gemozo avec Howard Jones, Look Mama, dernière pause musicale de notre émission Boomerang, 80 minutes pour Boomerang. Alors quelques petites infos avant de fermer l'antenne. Déjà, on évoquait pendant la pause musicale la mémoire de Philippe Gildas. Moi je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table pour lui dédier l'émission à oui. sa mémoire, parce que c'était un grand homme de radio. Radio Nationale, Europe 1 entre autres, et puis de télévision, Mika, tu l'évoquais, peut-être t'en dire deux mots, avec Canal Plus. Et Garcia, José Garcia, ouais. Mais aussi, on dit toujours derrière un homme, alors généralement on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, Maryse, qui était aussi sa complice, je crois, de radio. De radio. Elle a une super voix radiophonique, oui. Exact. Elle a une super voix. On la confond des fois avec Julie aussi. Ah, il faut faire attention. Hein, papa, ouais. Il les aimait bien. Ouais. Alors, on a une pensée pour Philippe Gildas et on lui dédie cette émission, puis une pensée pour sa famille et entre autres Maryse, hein, qui a officié aussi. Ouais. Mika venait nous le rappeler à la radio aussi. Voilà. Et puis, quelques infos aussi. Suite à notre émission Boomerang, en direct, Lou va prendre la parole avec les rênes de son émission L'heure des loups entre 18 et 19 h tout à l'heure, avec une émission spéciale sur le harcèlement scolaire. Voilà, elle sera entourée, alors que je ne me trompe pas, de Cosmos. C'est bien ça, Mika? Oui, c'est hein, ça. Parce que tu vas participer à l'émission. Cosmos, deux studios, c'est ça? Comment? Cosmos, deux studios, Airplay, studio Airplay, voilà. Elle m'a remis ça sur un petit post-it. Et il y aura une rediffusion, toujours dispo en podcast. Voilà, moi je relis exactement ce qu'elle m'a dit. Donc, émission à ne pas manquer, sujet grave. Ouais, sujet grave qui concerne tout le monde. Et sérieux. Le harcèlement, et entre autres le harcèlement scolaire, voilà. Avec ses invités, tout de suite après cette émission, en direct, avec Lou. Ah oui, c'est à 18h, donc attention, il y a une demi-heure de battement. En musique, je Pascal, oui, dernier d'ailleurs, mot. C'est la suite du film qui est passé hier à la sur TF1, l'histoire d'un petit garçon qui s'est immolé par le feu parce que ça faisait 6 ans qu'il subissait du harcèlement à l'école. Alors peut-être que Lou l'évoquera tout à l'heure. Restez en tout cas à l'antenne à 18h pour écouter cette émission. C'est un sujet de société qui est quand même relativement grave, d'actualité, qui peut entraîner des drames. Donc je crois savoir, Lou m'avait dit ça hors antenne, qu'elle aura en invité entre autres une directrice d'école, voilà, et puis peut-être un CPE. Elle sera entourée aussi de témoignages de personnes qui ont malheureusement subi le harcèlement scolaire. Voilà. Vous savez que cette émission est rediffusée Boomerang le mardi matin à partir de 9h et pouvez la retrouver en rediffusion sur le site de la radio. Et on se retrouve, les amis, dans 15 jours, même endroit, même heure, tous ensemble, j'espère, pour un nouveau Boomerang. On se dit à bientôt. On remercie aux auditeurs de nous avoir écoutés. Oui. Ciao, ciao. À bientôt. Portez-vous bien. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar.